revient toujours qu'elle m'attend. Et dans chaque ville, je respire la joie de me retrouver encore dans ses bras. Je ne sais plus son nom, mais l'amour n'a pas, n'a pas de nom quand il m'appelle. C'est bien dommage, mais toi tu sais mon vieux, mes mains cheveux blancs ne me rendra pas là.